entends ma prière. Mon Père bien-aimé, je veux être une bonne terre où ta parole est semée. Que je puisse refléter ta gloire, ta sainteté, et que ma vie entière témoin de qui tu es. Entends ma prière, mon Père bien-aimé. Je veux être une bonne terre où ta parole est semée. Que je puisse refléter ta gloire, ta sainteté, et que ma vie entière témoin de qui tu es. Ici dans mon cœur, je prépare un lieu, un sanctuaire pour toi, une sainte demeure, une maison de prière où j'écoute ta voix. Je veux soit caché. Consacré.